Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, l'émission qui vous est présentée par le blog Causons Pixel qui a pour but de réfléchir sur l'industrie du jeu vidéo, toutes ses œuvres, etc., etc. On va commencer par un petit tour de table. On retrouve Florian. Ouais. Victor. Tout à fait. Et un invité que je vais laisser se présenter. Et salut Florentin, salut tout le monde, moi c'est Vincent Constantin, je suis étudiant en DAU, j'ai été étudiant en game design et vous avez peut-être pu m'entendre aussi dans un podcast qui s'appelait Devin Retry, il y a encore quelques mois de ça. Voilà. Oui, diffusé sur Radio Kawa. Ouais. Et aussi. Et je rajoute que c'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Merci à toi surtout. Et on va pouvoir commencer, mais avant, un petit tour par ce qui est sorti sur Causons Pixel. Alors, on a eu la vidéo Civilisation, politique, guerre et politique, qui parle de la politique et de la guerre avec le jeu Civilisation, et en recroisant ça avec des philosophes comme Michel Foucault, ou encore le théoricien de la guerre Karl von Clausewitz. Vous avez aussi un autre angle d'analyse avec Metal Gear Solid 5, l'utopie par la terreur de la destruction, qui est un article sorti ce mois-ci. Aussi, avant de commencer, un petit big up au forum Entraide Vidéaste qui repartage et qui débat sur les vidéos qui sortent, etc. Coucou à vous les gars. Et bien sur ce, on va se faire une petite intro comme d'hab et on va pouvoir commencer. Alors, la difficulté est au cœur du jeu vidéo. Dernièrement, le débat fut relancé avec le jeu Sekiro Shadow Die Twice, une œuvre demandant beaucoup de patience et d'habileté. Beaucoup de pour, beaucoup de contre, le débat crée un schisme entre les joueurs. Ici, nous allons aborder la question sous l'angle « La difficulté est-elle nécessaire à un jeu vidéo sur le long terme ?» Ah, Victor ! Moi, j'attaque direct. Vas-y, attaque direct. Je vais avoir aucun respect, parce que je me demande... J'ai instantanément critiqué le titre du sujet, à savoir pourquoi sur le long terme ? Parce que quand tu dis long terme, tu sous-entends qu'un jeu, dans sa structure, dans sa manière de se consommer, doit forcément se consommer sur le long terme. Alors, juste une chose, homme sans aucun respect, il y avait un conducteur dans l'émission, mais c'est bien de passer tout de suite à la deuxième partie, parce que du coup, on va peut-être définir la difficulté, pourquoi, quoi, comment, n'est-ce pas ? Parce qu'en termes de difficulté, j'ai l'impression, dès que le mot arrive, alors soit on kiffe le jeu et on appelle ça l'exigence, soit on ne l'aime pas et on appelle ça la difficulté, alors que les deux sont quand même synonymes. Enfin, ils veulent dire la même chose, peut-être qu'il y a une connotation légèrement différente, mais normalement, la difficulté, c'est simplement divers obstacles sur une route, sur un chemin qui demande une habileté. Donc c'est... Pour rebondir par rapport à ça, faut se rappeler que n'importe quelle chose qui existe est une construction sociale, et donc la notion de difficulté en fait partie. Ça reste un concept que les gens se font à travers une convention sociale. Certains gens vont trouver Sekiro dur, il y en a qui vont dire oh, je comprends pas, moi c'est facile, je l'ai terminé du premier coup, je suis pas mort une fois, je comprends pas quel est le problème. Enfin, tout le monde va avoir une sensibilité assez différente, mais en même temps va y avoir un certain consensus social, et donc oui, il faut rappeler que la difficulté c'est pas un truc c'est pas un truc qui est arrivé comme ça de nulle part, quelque chose d'immanent, mais ça vient du résultat d'interaction entre les individus qui ont fini par se définir dans un groupe donné que la difficulté c'était tel ou tel truc, que c'était telle pratique dans tel jeu pouvait être considérée comme difficile et d'autres pouvaient être considérées comme facile. Puis dans cette distinction entre le jeu exigeant ou le jeu difficile, il y a aussi un biais cognitif qui se nomme l'erreur d'attribution fondamentale, je crois. Ouais, c'est ça. Qui fait que lorsqu'on réussit une action, on va s'attribuer tous les mérites. Donc là, on dit le jeu était exigeant, sous-entendu, j'ai réussi à relever le défi et je suis bon. Et lorsqu'on échoue une tâche, on va plutôt imputer ça à des causes extérieures. Donc là, on va dire le jeu est difficile, le jeu est mal foutu, le jeu est ce qu'on veut. C'est pas nous qui avons échoué, c'est le jeu qui est mal fait. Et ça marche sur plein de domaines, en fait. C'est assez puissant comme biais cognitif. Mais aussi la difficulté dans les jeux, on la retrouve depuis la naissance, mais notamment depuis les jeux d'arcade, où le concept c'était que les gens payaient pour jouer sur des machines dans des salles dédiées, et il fallait que le jeu soit suffisamment dur pour que le joueur puisse perdre et donc ait besoin de remettre de l'argent dans la machine afin de pouvoir recommencer à jouer. Mais justement, il fallait aussi qu'en même temps, ce ne soit pas trop dur pour qu'il puisse avoir le sentiment qu'en rejouant, il puisse parvenir à relever l'obstacle. Mais avant ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que la difficulté, c'est également quelque chose de, pour le coup, d'immanent aux jeux vidéo, dans le sens où le jeu, on peut le décrire, je crois que c'est un ludologue, peut-être Roger Caillois, je ne suis pas sûr, en tout cas un ludologue avait défini le jeu comme étant une activité de résolution de problèmes appréhendés de manière joyeuse. Et en fait, si on réfléchit bien dans un jeu, on ne fait que ça, à chaque fois on essaie de résoudre des problèmes. Et c'est ce qui le différencie d'ailleurs des autres softs, des autres logiciels. En principe, un logiciel, c'est fait pour vous simplifier la vie. Dans Photoshop, tout est fait pour que vous puissiez faire votre montage photo le plus simplement possible, en dépit de la complexité même du logiciel, mais tout est fait pour vous simplifier la vie dans votre tâche. Alors que dans un jeu vidéo, qui est aussi un logiciel, on appelle ça un software, là, à l'inverse, tout est fait pour compliquer la vie du joueur, pour que son objectif, il y ait plein d'obstacles entre lui et l'objectif, en fait. À partir du moment où tu peux échouer, il y a la difficulté, à mon sens. Elle est vraiment... Si tu ne peux pas échouer, le jeu n'est pas difficile. Et justement, enfin, pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, au final, rajouter de la difficulté, c'est essayer de jouer sur une espèce de tension entre la volonté la volonté d'aller vers un objectif, et jouer en même temps sur l'insatisfaction du joueur. Et que cette tension créera, toi, ce que tu disais, Vincent, justement, ce plaisir qu'il y a à vouloir affronter les objectifs de manière joyeuse. Et ce qui a fait aussi probablement polémique avec Sekiro, c'est que, alors pour beaucoup, comme sur moi, ça a grave marché, je suis à ma quatrième run de Sekiro, mais pour beaucoup, c'était trop punitif, en fait, le jeu ne... Si ta volonté n'est pas assez forte d'arriver jusqu'au bout dans Sekiro, la tension... dans laquelle il se met entre insatisfaction, plaisir et volonté, ne fonctionnera pas, et là, tu lâcheras. Plus après, il y a la longueur du jeu, mais ça, on y arrivera sur la deuxième partie. Pour rebondir, moi, parce qu'on a commencé à parler d'objectifs, et c'était un truc que j'avais noté, c'était au final, autant la difficulté, elle est créée pleinement par le game design, la structure de jeu qui va guider le joueur ou au contraire le limiter, mais en même temps cette difficulté, elle s'inscrit dans un objectif, c'est-à-dire que le joueur va se fixer tel objectif, par exemple ça peut être tuer un monstre, mais ça peut être, je sais pas moi, réussir à avoir tel niveau dans tel MMORPG, enfin toujours le concept de se fixer des objectifs, sauf que ces objectifs, ils sont pas forcément créés par les développeurs. Et des fois, c'est avec le gameplay émergent, on va réussir à avoir des objectifs qui vont être différents. Et on peut quand même rajouter ce concept de difficulté à ça. Et au final, la difficulté, elle peut du coup prendre beaucoup de formes différentes selon ce que le joueur se fixe comme objectif et quelles sont ses attentes vis-à-vis du jeu. Ce qu'on appelle notamment sur Pokémon, les Nuzlocke Challenge, où le joueur s'impose le fait... que tu ne peux capturer que le premier Pokémon que tu rencontres dans l'herbe, et si jamais ton Pokémon tombe KO au combat, tu le relâches. Et en fait, il se fixe comme ça plusieurs règles pour rendre l'aventure un petit peu plus difficile que ce qu'elle est a priori. Ça me fait penser aussi à Super Mario Bros, où en fait l'utilisation des power-up comme le champignon, la fleur qui donne le pouvoir du feu, etc. Ce sont des pouvoirs tout à fait optionnels dans le jeu. On peut terminer un Super Mario Bros sans en faire usage une seule fois. C'est du coup le joueur qui choisit d'utiliser ou non ces bonus-là qui lui facilitent la réussite de l'objectif ou non. Aussi, donc, Sekiro, c'était un jeu plutôt difficile, apparemment, je ne l'ai pas fait, mais de réputation, effectivement, comme tous les jeux From Software, il demande une certaine, enfin, il exige une certaine compétence de la part du joueur. Dans le jeu vidéo, on a ce que l'on appelle, en théorie du design, la courbe du flow. Le flow, c'est en gros cet état dans lequel le joueur est quand ses compétences rencontrent de façon parfaite, sont en cohérent avec le challenge qui lui est proposé. Graphiquement, ça se représente par un axe, abscisse ordonnée. Sur l'un des axes, vous avez la difficulté, sur l'autre, vous avez les compétences du joueur, et vous essayez en fait de placer le rythme de votre jeu, les objectifs et les défis qui sont proposés aux joueurs. Vous essayez de les caser entre ces deux abscisses et ordonnées, entre ces deux axes. C'est quelque chose qui est, c'est un peu le Graal dans le jeu vidéo, de toujours essayer de maintenir le joueur dans cette espèce de courbe du flow. Et il y a des jeux qui du coup jouent un petit peu avec cette règle là comme Sekiro ou les jeux From Software de manière générale, qui essayent de plus tirer du côté de la difficulté. Mais il faut toujours faire attention, c'est là que il faut avoir un certain talent pour réussir à pas perdre le joueur quand on essaie de jouer avec les règles du flow, parce que si le jeu est trop dur pour le joueur, ça le plonge dans un état d'anxiété. Si le jeu est trop facile par rapport aux compétences du joueur, à ce moment-là, le joueur s'ennuie. Donc ça demande vraiment de jauger avec une certaine maîtrise les challenges que l'on donne aux joueurs. Voilà. Toi qui as un regard technique par rapport au monde du judo, dis-moi si cette distinction fait sens. Pour moi, la difficulté, il y a deux grandes composantes. Il y en a une qui tient aux règles du jeu, ce que le jeu te demande d'apprendre et d'exécuter pour pouvoir remporter les défis qu'il te propose. Et la composante qui tient aux capacités cognitives qui sont requises, donc tout ce qui est lors de l'attention, la mémoire, les réflexes. Là où on n'est absolument pas tous lotis à la même enseigne, on a des prédispositions, c'est des choses qu'on peut entraîner, hein, nos capacités cognitives. Et la difficulté, c'est l'entrelacement des deux. Oui. À la fois un côté, nos capacités cognitives et les règles du jeu. Oui, de toute façon, la courbe de difficulté, elle est très liée à la courbe d'apprentissage. Si on prend un jeu qui fait office de cas d'école dans le domaine, c'est Portal, qui a une courbe d'apprentissage qui est très bien gérée. Vous commencez le jeu, vous récupérez le portail gun qui vous permet, du coup le principe c'est que vous créez des portails qui vous permettent de vous téléporter d'un portail à l'autre. Et dans un premier temps, vous allez apprendre à gérer ces portails avec des énigmes vraiment très simples. Ensuite, vous allez apprendre à gérer ça, plus le fait de porter un cube que vous pouvez déplacer et poser sur des boutons qui actionnent des leviers, etc. Ensuite, vous allez apprendre à utiliser ces portails en ayant usage de la physique. Si vous sautez dans un portail, à ce moment-là, vous irez plus loin. La vitesse cinétique, la force cinétique vous projettera à ce moment-là dans une direction par laquelle vous sortirez par l'autre portail. Donc vous apprenez plein de mécaniques, mais au fur et à mesure, de façon très, très cohérente. Et du coup, ça fait que vous arrivez à la fin du jeu, vous avez maîtrisé les différents systèmes, les différentes mécaniques du jeu. Et pour autant, vous n'êtes pas, vous ressentez que ce que vous faites maintenant est plus compliqué que ce que vous faisiez au début de jeu. Mais pour autant, ce n'est pas, ça ne vous paraît pas impossible de le réussir. Alors que si on vous avait mis avec ce challenge-là en tout début de jeu, vous auriez pensé que c'était insurmontable. Donc ouais, il y a effectivement un lien très fort entre courbe d'apprentissage et courbe de difficulté, et c'est aussi pour ça que parfois c'est difficile quand on a lâché un jeu pendant plusieurs jours d'y retourner, parce que les règles ne nous sont plus tout aussi fraîches dans notre mémoire et ce genre de choses. Donc ouais. Surtout qu'on apprend par l'erreur assez naturellement. Notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il quand on veut faire une action, il prédit comment on va réaliser l'action, on la réalise. Et si jamais il y a un décalage entre sa prédiction et comment la chose s'est réalisée, le décalage, c'est une erreur. Donc, il va essayer de faire une nouvelle prédiction qui va essayer de concorder au mieux avec l'action qui va être réalisée. Et par erreur, on apprend. Donc, du coup, le comme tu le dis, l'apprentissage et la difficulté sont étroitement liés. On ne joue pas. Je ne connais pas de jeu où on n'apprend rien. Sinon, on l'a fini. Enfin, voilà, il y a cette idée de... C'est intéressant parce qu'en fait, au final, ça rejoint la tension, dont on parlait au début, qui était avec la volonté d'y parvenir. Et avec l'apprentissage, ça rajoute encore une fois cette espèce de plaisir que tu peux avoir. Ce qu'on disait dans la précédente émission sur les Survival Horror, qu'on jouait sûrement parce qu'on a eu plaisir à apprendre une nouvelle chose, un nouveau danger. Ouais. Et ce que j'avais noté, c'était que, par exemple, l'obstacle donc la difficulté, les différents obstacles. L'obstacle pourra renforcer le désir de parvenir à l'objectif, parce que je lis la volonté au désir, que je dissocie, de parvenir à l'objectif par, en quelque sorte, un jeu donc sur l'insatisfaction dans la mesure où le désir naît de l'insatisfaction. Ou du manque. Voilà, insatisfaction, manque, c'était un peu ce que je voyais. Et donc par là, essayer de trouver la bonne courbe, et où pour Sekiro, ou d'entrée de jeu, même si on a un tutoriel très basique qui nous apprend à jouer, Hidataka Miyazaki, le créateur, nous dit « bah si tu veux y arriver, t'as vraiment intérêt de vouloir, de désirer cette fin-là, de vouloir me dépasser dans ce que je fais, entre guillemets, hein, pour y aller, parce que le premier samouraï qu'on voit dans Sekiro vous défonce direct. » Victor, ouais. Ouais, je voulais rebondir un peu, on avait parlé... Florian, tu avais commencé à parler des deux composantes pour toi qui faisaient la difficulté. Et moi, je rajouterais une troisième de composante, c'est la composante sociale. Parce que, comme j'avais dit, au final, par rapport aux objectifs, c'est un peu pareil au niveau de la difficulté, à savoir, des fois, le jeu te propose, je sais pas comment dire, le jeu va te proposer telles options pour te rendre la pratique du jeu plus facile. Et certains joueurs vont dénigrer des simplicités qui sont proposées dans le jeu en disant si tu joues comme ça, t'es pas vraiment, ce qu'on va dire les puristes en gros, si tu joues de telle façon, tu joues pas vraiment comme le jeu il voudrait parce que nous on considère ça comme étant trop facile. Et donc on va considérer que notre pratique, ce jeu il est dur et la réalisation de tes objectifs, elle est performée, elle est créée, elle est validée quand tu réussis à terminer le jeu à notre façon, à la façon dont un groupe social a déterminé qu'il fallait jouer de telle manière. Donc on se rapproche des composantes de la triche, de l'objectif, de la difficulté, parce que tout ça est un peu lié sur le fait... Je parle pas assez devant. Tout ça est lié sur le fait que tout dépend toujours des règles définies par les joueurs, parce que les développeurs ont beau créer des règles, c'est ensuite les joueurs qui vont s'approprier ces règles et décider si elles sont légitimes ou pas pour jouer au jeu. Ouais, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, du coup, c'est effectivement... d'ailleurs, il y avait la polémique là-dessus à propos de Sekiro, où le jeu bénéficiait d'un mode facile, je crois, et ça a fait... Les joueurs le désiraient. Joueurs le désiraient, ouais. J'allais venir tout à l'heure, mais c'est ça, les joueurs voulaient absolument un mode facile. Ouais. Bon, je te laisse continuer. Oui, ça fait polémique parce que justement, il y a les puristes, comme tu dis, les gens qui estiment qu'un jeu From Software, ça doit se jouer en galérant, on doit littéralement en chier pour y arriver. C'est comme ça qu'on mérite de voir les crédits du jeu. Ils ont répugné en fait cette idée qu'il pourrait y avoir un mode facile dans Sekiro. Ce qui me paraît assez... ça ne m'étonne pas du tout, mais je trouve l'idée un peu stupide. Parce que la difficulté, de toute façon, c'est quelque chose de relatif. Il y a des gens qui ont terminé Sekiro, je suis sûr, ils doivent être peu, mais il y a des gens, certainement, qui ont terminé Sekiro sans avoir trop de mal. Donc, en fait, voilà, pour quelqu'un pour qui le mode normal de Sekiro, ça serait impossible. Peut-être que le mode facile, ça serait pour lui l'équivalent du mode normal. Après, il y a cette idée aussi que, oui, le designer, il a pensé son jeu avec un certain niveau de difficulté, nanana. Donc, le jeu, il doit être fait de cette façon-là. D'accord, mais en fait, de toute façon, si le développeur de jeu il décide de mettre un mode facile dans le jeu, c'est que aussi il accepte qu'il y ait ce mode de jeu là dans le jeu, tout simplement. Et puis, c'est écrit nulle part. C'est pas écrit dans la Bible ou je sais pas où que les jeux ils doivent être faits en mode normal ou difficile en fait. Je sais pas, c'est quoi gatekeeping là, complètement stupide, mais bon. Pour moi, en fait, quand j'avais entendu la polémique sur Sekiro, ça me semblait un espèce de faux débat. Parce que, comme vous l'avez dit au début, tous, plus ou moins, c'est la difficulté relative à la personne. De Bloodborne, qui était aussi très difficile à Sekiro, il y en a qui sont arrivés devant Sekiro et qui ont dit « Ouais, moi j'ai terminé Bloodborne 10 fois et j'ai trouvé Sekiro difficile ». Oui, c'est normal, les deux ne se jouent pas pareil. Déjà, le nom est différent, je sais pas si t'as remarqué, c'est... C'est pas la même chose. Et déjà, j'ai eu l'impression de voir que un espèce de refus que... Enfin, comment exprimer ça ? un jeu vidéo, une œuvre ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Une œuvre est tout le temps, va tout le temps créer un schisme, une dichotomie, tout ce qu'on veut, va tout le temps, va tout le temps diviser, même si dans la norme, voilà. Comme Death Stranding. Voilà. Qui pour le coup nous divise, tu vois. Oui, voilà, comme avec Flo, nous sommes divisés sur Death Stranding, mais c'est ça qui fait l'art, c'est beau, quoi. Ça crée des discussions. Enfin, ça divise surtout dans la mesure où ça demande un bagage culturel, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue, de l'expérience de l'individu, tant dans le jeu vidéo, tant socialement, etc., etc. Bref, ça dépend de plein de paramètres. Il y a aussi le fait que si la difficulté fait corps avec le jeu, comme dans Sekiro, l'exigence se justifie par rapport à l'univers du jeu. On est un shinobi qui est quand même seul contre tous, en pleine guerre civile, un royaume est en train de tomber, on a des espèces de monstres et tout ça, donc ça reste cohérent par rapport à l'histoire. Donc rien que pour ça, le débat me paraissait être un faux débat de part, parce que c'est cohérent. Et si les personnes qui ont créé le jeu ont dit « Bah nous, on n'a pas envie de le mettre parce que on considère que ça dénaturerait notre œuvre », ils n'ont pas forcément à répondre aux autres joueurs dans cette mesure. À mon sens, c'est... Par rapport à ça, justement, on attaque une problématique qui est de la difficulté actuellement dans les jeux vidéo. C'est, comme tu l'as dit, cette difficulté, elle peut diviser. Et au point de vue du marketing, au point de vue financier économique, on a là un problème, parce que le but dans notre segmentation, c'est justement d'avoir, de manière générale, d'avoir le plus de joueurs possible. Donc on se retrouve avec ce que certains appellent une casualisation du jeu vidéo, le fait de rendre le jeu vidéo de plus en plus facile, parce que le but, c'est de pouvoir toucher le plus grand public possible, quitte à justement se confronter aux problématiques des joueurs hardcore, mais dont j'ai l'impression qu'il reste quand même une minorité parmi les joueurs et que... C'est surtout que le jeu vidéo se démocratise de plus en plus, donc peut-être qu'il y a plus de joueurs casual dans la mesure où le jeu vidéo se pratique partout maintenant. Switch, téléphone, enfin de chez toi, partout quoi. Et surtout qu'on veut essayer de toucher la plus grande cible possible parmi des gens qui ne jouent pas forcément au jeu vidéo de base. Est-ce que tu dis oui, forcément, c'est le point de vue du marketing, mais du point de vue du créateur qui ne pense pas forcément au marketing. Attention, il y en a qui en pensent et qui arrivent à bien jongler entre les deux. Le Sekiro, par exemple, et Bloodborne et Dark Souls sont des best-sellers en jeux vidéo. Ils se sont super bien vendus, 1 million d'exemplaires quasiment pour chacun. Je me demande si Sekiro a pas fait partie des meilleures ventes de From Software. Ça serait... meilleur ça démarrage, serait... je crois. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que le... Enfin, voilà, au niveau marketing, dire facilité, oui, mais la difficulté a quand même son public. Enfin, la difficulté, du moins, les obstacles qui sortent de la norme, actuelle de ce que l'on considère exigeant ou difficile, trouve quand même son public et de la vente, et le fait que des joueurs vont retourner sur l'œuvre. Oui, enfin, je suis pas tout à fait... En fait, je suis d'accord avec toi et je suis pas trop d'accord en même temps, parce que je suis d'accord avec toi que Sekiro est un peu la preuve qu'il y a quand même une volonté de la part de certains jeux de proposer de la difficulté, et que cette difficulté, elle est revendiquée, elle est demandée par les joueurs, sauf qu'on le voit... Le marketing de Sekiro, il a été la proposition qui a été faite avec le jeu de Sekiro, c'était justement de proposer un jeu difficile. C'est un jeu qui était designé, qui était marketé. La proposition, c'était vraiment, on va vous vendre un jeu difficile. Tous ceux qui veulent du truc hardcore, qui veulent galérer pendant des heures et des heures sur le même boss, le même monstre, on fait ça pour vous. Et donc, ce qu'on regarde, c'est que ok, il y a ce contre-exemple de Sekiro et de ce style de jeu à la Dark Souls-like, de tu meurs à la chaîne, il faut que tu apprennes les codes du jeu, que tu apprennes comment faire. Mais d'un côté, hormis ces exemples qui sont très segmentés du coup sur les joueurs hardcore, sur on vous cible vous et puis éventuellement quelques joueurs un peu moins hardcore, un peu plus casual, qui vont essayer de tester, pour le coup, découvrir une nouvelle expérience de jeu. Hormis ça, dans un jeu de manière normale, si le jeu il est pas marketé comme étant « on est un jeu super difficile, venez nous tester, on est un challenge », hormis ce cas assez spécifique, on est plus sur du « on va essayer de satisfaire le plus grand nombre, vous inquiétez pas, il y a du challenge, mais en même temps, c'est pas trop difficile ». Oui, parce que tout généralement dans une société tend à tendre vers la norme de cette même société-là. Mmh. Donc dans la difficulté, globalement, les jeux qui sortent vont tendre vers ce que l'on considère de pas trop dur, mais pas trop facile non plus, avec des modes de difficulté en plus. Donc, oui, forcément, c'est une niche, et de toute façon, From Software s'adresse a priori à cette niche, mais dans une certaine mesure, c'est quand même assez étendu, Dark Souls et Sekiro, Bloodborne, plus que, comme moi, qui n'aimais pas trop les galérer sur les jeux. En découvrant Dark Souls, ça m'a ouvert à cette niche-là, et maintenant, je surkiffe la série des Souls, et Sekiro fait partie de mes jeux favoris. Donc, ouais, comme j'ai dit, ça peut être une porte d'entrée, justement, vers des jeux beaucoup plus demandeurs, on va dire. Parce que si on veut de la difficulté, comme l'a dit Vincent, on peut retourner sur les vieux jeux d'arcade. Je vous défie de terminer Pac-Man. Je crois qu'on a fait peut-être le tour difficulté. J'ai plein de trucs. Avant de passer à... Juste un dernier point pour rebondir. La difficulté est relative à la personne. Et là où on s'en rend compte, c'est... par exemple, si jamais on a un handicap moteur ou un handicap mental, par exemple... des tâches qui pour une personne qui n'a pas d'handicap et ne pose pas de difficultés peut devenir très difficile si ce n'est impossible à franchir. Souvent les jeux peuvent demander d'appuyer frénétiquement sur une même touche. Et bien, suivant le problème que tu peux avoir, ça peut être impossible à faire et du coup ça devient une difficulté qui est insurmontable et ça arrête ta progression dans le jeu. Et il faut se rendre compte qu'en fait, les jeux sont faits pour les gens qui sont valides, en fait. On est peu ouvert au handicap. Et il y a des aménagements. Je pense qu'on peut arriver à trouver des jeux qui gardent une certaine difficulté, mais qui arrivent à certains obstacles bloquants, soit à les supprimer carrément, soit à les aménager pour ces personnes-là. Mais là, on voit tout à coup que quelque chose qui peut paraître pas difficile peut être très difficile pour une autre personne. Ouais, la question de l'accessibilité se pose de plus en plus dans les jeux vidéo aujourd'hui et je trouve vraiment pour le coup que c'est pas un mal parce que c'est les questions qui se posent et ben souvent les solutions qu'on apporte aux problématiques qu'elles soulèvent, bah, ça rend aussi service finalement aux joueurs valides. Les QTE ou les actions contextuelles dans lesquelles il faut appuyer phonétiquement sur des boutons, c'est des choses, même si les personnes valides peuvent le faire, contrairement à des personnes handicapées moteurs. Mais ça agace aussi une bonne partie des joueurs valides. Ce qu'ils ont fait, du coup, dans Uncharted 4, par exemple, il me semble, c'est que ces phases de QTE en mode normal où il faut appuyer vite, si tu peux enclencher un mode d'accessibilité où tu restes appuyé simplement sur la touche au lieu de la mâcher. Et c'est que du bonheur, quoi. Ouais. Il y a GameMaker's Toolkit qui a fait toute une série de vidéos sur l'accessibilité qui est très intéressante. Ça te fait te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont si jamais tu perds un sens ou une faculté, tu peux plus jouer. Mmh. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, parmi les réponses les plus intéressantes, je trouve qu'ils sont apportées à ces problèmes d'accessibilité, c'est les modes assist que l'on retrouve, qu'on a découvert, je pense, avec Céleste, et qu'on retrouve aujourd'hui avec notamment Kingdom Hearts 3, c'est mon point Godwin à moi, qui a vu l'arrivée du coup d'un mode premium menu qui, en fait, comme pour Céleste, vous permet d'influer sur les règles du jeu. Dans Céleste, par exemple, pour grimper, vous avez une jauge comme dans Zelda, vous avez une jauge d'endurance. Et dans Céleste, vous pouvez choisir que vous avez une endurance infinie, ça vous facilite la tâche. Dans Kingdom Hearts, vous pouvez choisir d'avoir un mode qui régénère automatiquement vos points de magie, etc. Et à l'inverse, vous pouvez aussi vous rendre la tâche plus difficile en utilisant en limitant vos assists dans Kingdom Hearts, par exemple, avec ce menu Premium Menu, vous pouvez avoir une vie qui ne cesse de diminuer ou avoir les statistiques de vos personnages qui restent à zéro, qui n'augmentent pas pendant toute la partie, etc. Niveau 1, ouais. Donc, c'est un moyen, en fait, de se créer sa propre difficulté, de se faire sa partie la plus intéressante pour soi, en fait. Quel était le reproche, d'ailleurs, au jeu Vanilla, qui était beaucoup trop simple? Il a fait du bien, cette mise à jour-là. Victor, tu veux rajouter quelque chose avant la pause musicale? Vas-y, parle. Dépêche-toi, oui. Ne nous fais pas perdre notre temps. Allez, vite. Oh, j'ai la pression, En fait, je sais pas de quoi on allait parler après. Donc... Il prend trop de temps pour parler, cet homme. Peut-être que j'ai spoilé des trucs, mais on va voir. Le premier truc que je voulais dire, c'était par rapport au côté Die and Retry, du coup, parce que t'as un peu suggéré que justement c'est ce que t'avais fait avec Sekiro, à savoir t'étais à ta quatrième run. Et justement, des fois, la difficulté est aussi un... Parce qu'à la base, on parle sur le long terme. Et justement, la difficulté est un prétexte qui est souvent choisi par les joueurs pour continuer à profiter de leur expérience de jeu et à pas à redécouvrir le jeu. Si, peut-être des fois, ça leur permet, oui, de le redécouvrir et de le travailler plus en profondeur et de réussir à répéter cette expérience de jeu sans trop s'ennuyer à travers une difficulté qui monte, qui monte, qui monte. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être critiqué comme... comme si ça allait peut-être avec Diablo 3, à savoir, ça devient... dans Diablo 3, il y a des failles, où on a des monstres à l'intérieur, donc le but, c'est de terminer cette faille en tuant les monstres le plus vite possible. On a un temps imparti pour ça. Et ce qui était critiqué à la sortie de ce système de jeu, c'était le fait que ces failles, au final, t'en avais un infini, et ce qui changeait, c'était juste les chiffres, à savoir... t'avais un nombre infini en soi de failles possibles, même si ça s'arrêtait quand je jouais, c'était quoi, on va dire à 100 ou 130, puis je dis un truc un peu au pif, mais on va dire une centaine, et en soi ce qui changeait à chaque fois c'était juste les chiffres, si t'arrivais à faire plus de dégâts ou pas, et le seul contenu qui changeait c'était les points de vie des monstres qui étaient de plus en plus élevés, et donc... en soi, c'était de plus en plus difficile, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment un nouveau contenu ? Et donc voilà, c'était un sujet un peu à débat, j'ai eu l'impression, dans Diablo 3, parce que c'était la difficulté comme une façon de rajouter du contenu, mais en même temps, un contenu qui reste assez superficiel par rapport à ce que pourrait être une extension dans The Witcher, on va dire. Du coup, ça revient au jeu d'arcade, ce système-là. Ouais. Mathieu Triclot, il en parle dans Philosophie des jeux vidéo, c'est ce côté d'une frénésie qui n'a de cesse que de s'auto-alimenter en dupliquant des stages avec des variantes, et le rythme s'accélère jusqu'à ce que le joueur cède. C'est impossible d'arriver au bout. De toute façon, tu c'est fait pour échouer. Donc effectivement, est-ce que la difficulté est nécessaire dans un jeu vidéo sur le long terme ? Réponse dans la deuxième partie. Maintenant, c'est la pause musicale et ça sera Phantom Pain tiré de Metal Gear Solid 5 est composé par Ludwig Forssell et on se retrouve juste après ça. Yeah. Et on se retrouve donc après la pause musicale, et je crois que Victor voulait rebondir sur un rebondissement. De lui-même. Je vais de rebondir lui-même. Sur mon rebondissage. Donc, je parlais de Diablo 3, de cette espèce de fausse difficulté qui était faite avec tout simplement ces chiffres augmentés au fur et à mesure pour essayer de rajouter pauvrement du contenu. Et ça encore, ça reste acceptable et tout, mais là où il y a un problème, c'est quand on rajoute à ça le hasard, qui au final est aussi présent dans Diablo 3, et je pense à un grand jeu vidéo aussi que je vais citer, qui est Candy Crush, à savoir que des fois la difficulté se mêle à du hasard en fonction des situations qui te sont proposées par le jeu, qui font que ce sera tout simplement impossible de réussir ce que le jeu te demande, parce que la génération aléatoire qui a été faite de la situation a fait que dans de telles circonstances, c'était pas possible que tu réussisses à faire tel objectif. Donc je pensais en un premier temps à Diablo 3 où c'était le cas, parce que pour résumer, en fait, t'avais des espèces de monstres élites, et une fois que tu tuais ces monstres élites, t'avais des grands bonus très forts de dégâts qui faisaient que tu pouvais terminer le donjon plus facilement. Et donc, plus t'avais d'élites de certains monstres spécifiques, parce qu'il y avait des monstres qui étaient plus faciles que d'autres à tuer. Donc, plus t'avais d'élites avec des monstres faciles, plus tu pouvais en soi terminer la faille plus facilement. Et donc, au final, ce qui relevait de la difficulté, tomber en fait dans le piège du hasard, parce que tout dépendait de la carte en question et des monstres en question pour savoir si t'allais réussir telle ou telle faille. Et c'était plus du tout une histoire de talent, parce que c'était que du hasard. Et donc on retrouve ça avec Candy Crush où tout simplement au bout d'un moment il te propose des choix, enfin je veux dire, j'ai pas joué hein, mais je connais ce style de jeu. J'avais joué à Two Dot. Je crois que c'est Two Dot. Le mec, il parle d'un jeu. J'ai jamais joué, hein. Vous en faites pas, je suis pur encore. Oui, c'est immondice, là. Quel enfer. Enfin, bon. Et je vois le style que c'est. Je sais que dans leur design, en tout cas, il me semble, hein, que justement, ils se servent du hasard pour bloquer le joueur et l'inciter à payer. Il y a ça. Et alors, je crois que c'était dans... justement, le JV Le Mag sur la difficulté, c'était le numéro 81 64. 64. 64, et c'était Emric Toa, le game designer de Fury et de maintenant Haven, qui devrait sortir, qui disait qu'on devrait faire un vrai bon mode facile, un bon mode de difficulté, puisque le débat portait sur Sekiro et la difficulté. Eh bien, en fait, c'était pas si facile que ça, plus que ça ne devait pas juste être de baisser ou de lever des stats, handicaper le joueur de façon à augmenter la puissance des ennemis, ou handicaper le joueur de sorte à lui le diminuer. Qu'il devait toujours y avoir une espèce de symbiose, en fait. C'est, encore une fois, pour moi, ça rejoint Sekiro, dans le sens où la difficulté doit vraiment faire corps avec l'œuvre et pas quelque chose qui semble avoir été rajouté pour... rallonger un jeu, etc. Et donc, pour revenir sur la question, la difficulté est-elle nécessaire à l'intérêt du jeu sur le long terme ? J'aimerais juste prendre en exemple des jeux qui sont super faciles. Enfin, réputés super faciles, du moins parmi les joueurs, enfin les gens aguerris aux jeux vidéo en 3D. Flower et Journey. Ils sont réputés faciles, il n'y a pas de game over. Pour Journey, ce sont des toutes petites énigmes à faire. Encore qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. J'ai fait l'expérience, j'avais quelqu'un qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo, vraiment juste au Game & Watch. Lui, il a ultra kiffé marcher jusqu'à cette montagne, mais arrivé aux énigmes, il n'a pas compris que le jeu lui posait les énigmes, parce que c'était pas dit, et quand je lui dis qu'il y avait une énigme, il a eu du mal à se repérer pour sauter de telle plateforme à telle plateforme pour... réussir son énigme. Et lui, il disait, mais je m'en fous, moi, je veux juste marcher sur la montagne. Ça aurait pu être juste un jeu de marche, il était content. Flower, lui, a été beaucoup plus simple, parce que on est une pétale de fleurs et il n'y a pas de mur à proprement parler. On voit juste d'autres fleurs, on doit les faire éclore. Mais ce genre de jeu est très court. Je crois que Flower, tu peux le terminer en une après-midi. Oui, et ouais. Encore, si tu le rushes, tu le termines peut-être en deux heures. Journey, pareil. En une petite soirée, tu peux le terminer. Mais ce sont des jeux très courts. Faciles, mais très courts. Tandis que si on veut faire un jeu, c'est pour essayer de poser le débat, mais peut-être que si on veut faire un jeu beaucoup plus long, il va falloir petit à petit se renouveler au moins dans ses obstacles pour demander aux joueurs de nouvelles compétences ou de nouvelles habiletés pour continuer. Et là, par exemple, on va prendre Death Stranding. Death Stranding, qui, la première heure, le jeu était... Et Vincent, on ne spoil pas. on va pas spoiler, juste dire deux, trois trucs de gameplay. J'avais une petite goutte de transpiration. Là, C'est que la première heure de Death Stranding est géniale. Franchement, j'ai surkiffé la musique, tout. Le fait que n'importe quel caillou soit... un danger absolu. C'est, on voit un caillou, on voit une rivière. C'est la première fois dans un jeu où je me suis demandé comment je vais passer une rivière. La rivière, c'est un boss. T'es là, tu réfléchis, tu dis merde, j'ai qu'une échelle, mais c'est un delta, faut que je passe par Ah là-bas. ouais. Enfin, c'est Quel enfer. juste ça, et le jeu est génial pour ça. La première zone, franchement, est super cool. Ce sont des obstacles peu ou peut-être inédits dans un jeu, ou du moins amenés d'une manière différente. Et arrivé dans la deuxième zone, on a des exosquelettes, on porte plus de poids, et si on a passé trop de temps sur les quêtes secondaires, bah au final on fonce tout droit. Plus rien ne fait peur. Plus rien n'a de difficulté, les échoués, c'est juste comme ça quoi, c'est juste des petits boss. Les mules, pareil, on leur met un coup de bolas, elles s'écrasent par terre, mais on continue tout droit. Et sur 40 heures de jeu, quand la proposition c'est de marcher, et que on n'a plus de difficultés parce qu'on continue juste tout droit. On escalade toutes les montagnes et on ne fait que marcher aussi facilement que l'on marche dans la rue. Ça devient problématique dans un jeu Oui, pour renouveler cette nécessité-là, peut-être. parce que très vite tu apprends peu de choses nouvelles dans Death Stranding. Pour revenir à ce qu'on disait tous les deux avec Vincent, je pense que à partir du moment où tu penses la progression de ton jeu par l'apprentissage se faisant par l'erreur, tu as forcément une notion de difficulté qui sera plus ou moins importante. Mais Journey n'est pas là-dedans, par exemple. L'apprentissage de Journey, c'est arrivé à se déplacer en 3D dans un jeu vidéo. Mais Principalement. Et surtout, ensuite, il faut comprendre l'interaction avec le cri, enfin, le sort de pouvoir magique qui émane du corps du. Mais une fois que tu as appris ça, après, le jeu. mais surtout, c'est un autre pari. La facilité vient aussi du fait de l'intention des créateurs, qui était de ne pas donner de ne pas jouer sur l'élément de frustration, d'énervement, Parce de qu'il cherchait compétition. le flow dans une journée. Ouais, Vincent, tu voulais. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Quand tu parles d'intention de réalisation, en fait, c'est de ça dont il est question. Si tu prends un jeu comme Zelda, The Legend of Zelda, tu vas avoir sans cesse de nouvelles choses à apprendre. Tu vas choper le boomerang, tu vas devoir apprendre à t'en servir, tu vas choper l'arc, tu vas devoir apprendre à t'en servir, etc. Et tu vas en fait même aller dans des donjons qui vont te faire où là tu vas avoir un usage nécessaire de l'objet que tu viens de récupérer pour en fait que tu apprennes par l'expérience à maîtriser ce truc-là pour ensuite que le jeu te mette dans des donjons où tu vas devoir utiliser ça, mais également autre chose que tu auras appris précédemment. En fait, ça marche exactement comme pour les contrôles à l'école, quoi. Comme C'est pour ça. l'apprentissage scolaire, où on demande aux élèves de répéter des opérations mathématiques pour ensuite arriver au contrôle où ils vont devoir mettre tout le savoir qu'ils ont appris précédemment dans différents chapitres. Bref. Mais dans Journey, l'objectif, il n'est pas de vaincre des boss. Et l'objectif, alors j'ai pas encore fait de Journey, je l'ai, mais j'ai jamais trouvé le bon moment pour le faire. Bref, il me semble que dans Journey, l'objectif, c'est plus un objectif de contemplation, c'est plus un objectif de balade, de communication également avec le joueur qui t'accompagne. Et ça ne nécessite pas d'avoir de la difficulté dans ce jeu-là, en C'est fait. ça. C'est ça, du coup, c'est une expérience courte. Enfin, j'ai pas, du moins en tête, je n'ai pas d'expérience aussi facile qu'un flower, un flow ou un journey qui soit longue. Eh ben, oui, tu as raison, effectivement, Journey, c'est un jeu court. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Dans l'autre, tu avais Passage, qui est une expérience vraiment très très simple. C'est un jeu qui se termine en même pas 5 minutes, où tu juste appuies sur la flèche de droite. Donc, tu as un personnage qui est à gauche qui va avancer vers la droite, et tu restes appuyé, tu peux le faire les yeux fermés, tu arriveras à la fin du jeu. Tu peux le faire également, le jeu Emily's Away, c'est un jeu narratif textuel où tu cliques du coup sur des options de dialogue proposées et tu peux cliquer dans n'importe quel ordre, t'arriveras à la même fin du jeu de toute façon. Mais ce sont des expériences courtes comme tu le dis, mais prenons l'exemple d'un jeu comme Spider-Man sorti sur PS4 en 2018. Ouais. C'est un jeu qui propose beaucoup de challenges, beaucoup de choses différentes, beaucoup d'objectifs différents certes. Mais je pense hein, très honnêtement que ce qui a fait le succès de ce jeu là, en tout cas ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est clairement pas les phases de combat qui sont, que l'on peut apparenter à du sous Batman Arkham très clairement. C'est des phases de combat que j'ai trouvé assez difficiles et peu amusantes, peu intéressantes. Moi ce qui m'a plu et ce qui a dû plaire à la plupart des gens je pense, c'est de se balader dans New York en utilisant les pouvoirs de Spider-Man pour se balancer de toile en toile, et ça en fait c'est ce qui fait passer les gens des heures sur Spider-Man, et en fait ça peut s'apparenter à du walking simulator tout simplement. C'est vrai. Ouais pardon, attends, ouais. Deux minutes. Vas-y, vas-y. Mais, sur ce que tu viens de dire Vincent, est-ce que justement ce plaisir de se balader, de faire un peu du walking simulator, de pouvoir comme ça se balader tranquillement, vient pas de la frustration d'avoir des combats qui sont relous? J'ai pas fait Spider-Man, donc je me base sur ce que tu dis. D'avoir des combats qui sont lourds et qui font, dans ce cas, un peu plus apprécier les passages de balade, en plus évidemment des différents effets que les développeurs ont rajoutés pour se balader, etc. Alors, c'est possible. De toute façon, il me semble que les phases de combat à l'intérieur de Spider-Man ont été mises pour créer de la diversité dans l'expérience de jeu, pour effectivement que du coup les phases en balade soient plus appréciées, parce que tu as autre chose à faire à côté, tu as quelque chose de plus nerveux, sur lequel concentrer ton attention à d'autres moments. Mais toujours est-il que vraiment, ce qui a été le plus travaillé dans le jeu là, c'est évident, et c'est ce qui a été mis en avant pour vendre le jeu, c'est de se balader. Mais de toute façon, tu as toujours quelque chose dans un jeu vidéo pour mettre en valeur quelque chose d'autre. Il se trouve que oui, bah, dans Spider-Man, c'est un triple A, c'est un jeu que tu payes 70€. Ça aurait été mal vu que tu n'aies que à te balader dans la ville, d'autant que Spider-Man, c'est un super-héros, donc il a des histoires de super-héros qui l'amènent à combattre des méchants. Mais en réalité, moi j'ai terminé Spider-Man il y a plusieurs mois maintenant. Je peux aujourd'hui relancer le jeu pour simplement le plaisir de me balader dans New York, et je ne vais pas faire un seul combat, même si au cours de mon expérience, quand j'étais en train de faire le mode histoire, c'était plaisant que ce soit là, c'était pas ouf, mais ça crée de la diversité à l'expérience. Aujourd'hui, si je veux jouer à Spider-Man, je vais juste faire des balades dans la ville de New York. Bah, comme le premier Watch Dogs, qui n'a pas pu s'empêcher, parce que ça devait être dans le cahier des charges, de mettre des armes à feu et des phases de combat à armes à feu, alors qu'en fait, le jeu aurait pu se contenter juste de proposer du hacking. Je crois que c'est le 2 aussi, c'était un drop dans la mare qui avait soulevé ça, qui avait dit... Je sais plus comment s'appelle cette vidéo, bref, ça parlait de cet échec-là, de Watch Dogs 2, d'avoir utilisé des Kalachnikov, etc., alors que le jeu aurait énormément gagné à n'avoir que du hacking, et justement à donner aux joueurs, bah voilà, ta seule arme, c'est peut-être tes deux petites mains, mais face à des policiers, ouais, j'en sais rien, j'ai pas fait le jeu, mais face à une mafia, un autre ennemi, ça ne servira pas à grand-chose. Comment vas-tu te débrouiller juste avec ton hacking? Et dans ce cas, de proposer des niveaux où le joueur devra se débrouiller simplement avec cette arme. C'est le même fléau que dans les blockbusters, où il faut qu'il y ait des scènes d'action. Et si possible, avec un petit peu d'humour, en ce moment, c'est la norme. Sinon, on s'ennuie. Il y a Victor qui est en train de rire, là. On va encore perdre des abonnés, c'est terrible, ça. aucun sous-entendu. Aucun sous-entendu. Avec de gros guillemets. Parce que même d'ici, il y a des scènes d'action, donc tu vois, ils sont logés à la même enseigne. Ça reste plus intéressant, mais... Non, bref. Je voulais juste revenir sur Sekiro, et on en a touché un peu un mot. En fait, il me semble que la difficulté de Sekiro et dans les Souls, elle tient aux règles du jeu, plus qu'aux capacités qui demandent aux joueurs de mobiliser. Et en fait, Sekiro, là où il est radical... c'est qu'il te demande de t'investir dans le jeu. En fait, il te demande d'apprendre les règles d'apprendre à les maîtriser. Et sans ça, tu ne peux pas progresser. Et en fait, ce que fait Sekiro et les Souls, c'est revenir au jeu d'arcade, à ce premier temps des jeux où, si on voulait progresser, il fallait qu'on maîtrise les règles. Il fallait qu'on optimise la moindre chose, sinon on s'en sortait pas. Et visiblement, dans cette colère qu'ont eu beaucoup de joueurs, pour moi, cette colère, c'était, mais en fait, on n'a pas envie de... Soit on n'a pas envie, soit on ne veut pas se donner le temps de s'investir dans ce jeu-là. Donc, s'il vous plaît, faites un mode facile pour qu'on puisse le traverser sans avoir besoin de s'investir dans le jeu. Et au moins, on peut le finir. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, deux choses. C'est peut-être parce que, du coup, ça fait partie des arguments que j'ai pu voir. C'était, ouais, mais il y a trop de jeux, j'ai pas le temps de me mettre sur un truc qui me pose trop de défis. Alors, ça, c'est consommateur de sélectionner son truc, de se dire bah là j'ai, admettons, Nier Automata pour changer de jeu, je vais m'y investir, je vais le terminer à 100% et ensuite je vais passer à autre chose. Nul besoin de faire 15 000 jeux. Et vite fait, parce que ce que tu dis, je trouve que ça rentre dans encore une citation d'Emeric Toa dans JV Le Mag numéro 64. C'était que lisez JV Le Mag, parce que franchement ils font des super bons dossiers, donc je vous le recommande vraiment. C'est pardon, il dit « Si Sekiro, Dark Souls et Bloodborne sont des succès critiques malgré une absence de mode de difficulté, j'ai envie de dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de mode de difficulté. C'est ce qui les rend uniques, l'exigence. » Il faut savoir que Emeric Toa, c'est un designer qui respecte énormément les parties pris dans les jeux vidéo. Je le rejoins aussi. C'est vrai que j'ai pas encore fait Death Stranding, j'attends qu'il sorte sur PC pour le faire. Moi, ce qui me plaît de base dans ce jeu là peut-être que je vais pas kiffer l'expérience, mais ce que je trouve respectable, c'est qu'ils ont osé faire un triple A dans lequel a priori tu ne fais que marcher, quoi. Ou à peu de choses près. Et c'est un énorme parti pris de faire ça, parce que c'est très segmentant en fait comme type d'expérience que tu proposes aux joueurs. Après, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas réussi, je ne sais pas, mais dans la démarche, je trouve ça respectable. Et Fury, pendant très longtemps, avait un mode facile, un mode normal, peut-être un mode difficile en plus, je sais pas. Le mode facile, il l'avait rajouté, c'était pour le besoin. Je ne sais pas si c'était à la demande, mais c'est parce que en fait, l'équipe créative est constituée notamment de Audrey Le Prince, qui est la cofondatrice du studio de The Game Makers, et elle n'arrivait pas à jouer au jeu en mode normal, donc ils ont fait ce mode facile qui lui a permis un petit peu de toucher au jeu. Mais c'était resté tout de même un jeu assez, assez difficile d'accès, et je connais des personnes qui étaient intéressées par Fury, mais ils n'arrivaient pas à jouer au jeu parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour le faire. Parfois c'était à cause d'un handicap, du coup c'était vraiment pas de leur faute, hein. Ils ne pouvaient pas s'améliorer outre leur capacité maximum, qui n'était pas suffisante de toute façon. Et pourtant Fury, c'est dommage parce que c'est un jeu qui a une direction artistique travaillée, qui a un scénario, paraît-il, je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin, donc je n'ai pas pu voir la fin pour m'en rendre compte, mais paraît-il que le scénario est jusqu'au bout assez révélation. C'est un jeu qui a des bonnes musiques également, donc en fait c'est un jeu qu'on peut apprécier pour tout un tas de raisons, qui n'est pas simplement le défi que le jeu te propose en termes de gameplay et de boss à combattre. Et du coup c'était vraiment une bonne idée de rajouter a posteriori, après le lancement du jeu, ce mode invincible qui permet en fait aux joueurs de combattre les ennemis sans craindre de mourir et de devoir recommencer le truc. Et juste voilà, ça leur prend le temps que ça leur prend, mais au bout d'un moment, comme ils ne peuvent pas mourir, ils viennent à bout de l'ennemi. Et c'était vraiment une bonne idée, je trouve. Ouais. Mais Sekiro, par exemple, donne beaucoup, beaucoup d'outils différents aux joueurs, qui n'est pas obligé d'utiliser, mais entre les objets. Par exemple, il y a les boules de cendre qui sont très, très fortes pour étourdir la majorité des ennemis du jeu. Et vraiment, si jamais on l'utilise régulièrement, ça nous sauve la vie. Les prothèses aussi, qui sont très, très fortes. Ah, notamment par exemple, il y a un mini boss où dans Sekiro les gens ont ultra galéré, c'est l'espèce de samouraï qui dégaine. Qui dégaine rapidement son sabre. Ouais, qui en moins d'une seconde, donc c'est hyper chaud. Et en plus, il revient avec des yeux rouges, donc il est encore plus puissant. Truc tout con, tu utilises le parapluie, le bouclier. Au moment où il veut te taper, tu tournes le parapluie, ça lui fait perdre de la posture et tu le bats comme ça. Ouais, ou sinon. Ça devient hyper simple. C'est juste, faut se dire, bah prends ton bouclier, t'y arrives. Ou sinon, la prothèse, la plume de corbeau qui fait que tu te téléportes. Et tu peux même te téléporter dans son dos pour pouvoir lui mettre un coup. Ou sinon, tu fais juste un dash sur sa gauche. Comme il dégaine, je crois, par la droite, en fait, sur sa gauche, il ne peut pas te toucher. Mais ce qui fait que si jamais on... le jeu, ce qu'il te demande à apprendre, c'est le système de défense. Donc, sauter quand il faut, parer quand il faut, esquiver quand il faut, et apprendre quand tu peux attaquer. Et ensuite, tu as tout un arsenal qui, vraiment, quand tu fais l'essai et l'erreur et de voir là, ça marche pas, au bout d'un moment, tu t'en sors. Même le boss final, en fait, tu peux utiliser certaines prothèses pour te faciliter la vie et le jeu, tu peux y arriver à bout. Mais ça te demande de t'investir là-dedans. Et justement, par rapport à ça, ben, du coup, on en revient à ce que je disais sur le fait que des fois, le jeu te propose des éléments de facilité, mais que toi, dans tes valeurs de joueur, tu vas refuser parce que tu vas considérer que si tu utilises le jeu de cette façon, il sera beaucoup trop facile. Et donc, en fait, au final, peut-être que des fois, le joueur s'en rend même pas compte, hein, mais il se donne des barrières pour pouvoir mieux savourer leur expérience de joueur. En tout cas, pour eux, terminer le jeu, ça va être terminé de telle manière et pas en utilisant des systèmes faciles qui sont parfois proposés par les développeurs. Après, dans Sekiro, même utiliser les prothèses, tu te fais quand même bien exploser par le jeu à plusieurs reprises. Mais c'est juste qu'en fait, ils te demandent de les utiliser au bon moment et intelligemment et selon toi, tes compétences. Effectivement, comme tu dis, la plume de corbeau dans Sekiro, si tu apprends à l'utiliser, bah, face à un groupement d'ennemis, tu te téléportes, tu laisses une traînée enflammée en plus derrière toi, tu peux réussir soudainement à temporiser la situation tout en pourtant continuant d'attaquer. Quand Sekiro te demande souvent, selon ta posture, etc., de reculer, de te mettre en garde, de réfléchir à la situation, si tu as des réflexes, etc., tu utilises la plume de corbeau et tu t'arrêtes pas d'attaquer, etc., etc. Tu as ces possibilités-là. Et pour rester sur le jeu de From Software, s'il avait été facile, avec un mode facile, donc qu'on voit dans les jeux actuels, aurait-il eu le même intérêt? Ce que je ne pense absolument pas, parce qu'il fait corps, avec, la difficulté fait complètement corps avec le jeu. Le scénario est vachement bon en plus, la narration environnementale, etc. Mais sans cette difficulté-là, aurait-il eu le même intérêt? Je ne pense pas. C'est une bonne question d'ailleurs. Il y a Mark Brown qui l'avait traité dans l'un de ses émissions Game Maker Toolkit que je n'ai pas regardé. Voilà, je peux juste vous renvoyer vers cette vidéo. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. A priori, la réponse, en tout cas apportée par Mark Brown, c'est non. Moi, je pense effectivement que tu peux pas rendre tous les jeux faciles. Tu peux pas rendre tous les jeux accessibles en fait. Si on prend le jeu A Blind Legend, qui est un jeu uniquement auditif, ouais. Bah tu peux pas le rendre accessible aux personnes sourdes en fait, tout oui. Simplement parce que sinon tu en fais un jeu visuel et c'est plus le jeu que c'était. Enfin, voilà, il y a certains paramètres d'accessibilité qui ne peuvent pas être ajouté à un jeu parce que ça en dénaturerait complètement l'expérience, ça ne serait plus le même design du jeu. Mais il faut quand même aujourd'hui il y a quand même un gros biais là-dessus, il y a un peu c'est quoi, on appelle ça une guerre de chapelle sur la difficulté où on considère que ouais un jeu il faut que ce soit fait en normal ou bien en difficile. En vrai déjà le fait de donner des noms comme ça et parfois c'est des noms plus biaisé que cela. Parfois, pour le mode facile, on a pour bébé, comme dans Wolfenstein. Ouais, le fameux. Voilà. Ça, en fait, ça incite le joueur à faire le jeu dans un mode de difficulté plutôt que dans un autre qui serait, du coup, qui lui proposerait une expérience plus légitime. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le voir. Parce qu'il faut quand même se dire que le jeu vidéo, certes, le jeu vidéo, ça a une forte dimension artistique. C'est indéniable. Mais quand même, ce qui fait la spécificité du jeu vidéo, c'est son interactivité, en fait, par rapport aux autres médias. Et qui c'est qui est garant de l'interactivité dans un jeu? C'est le game designer. Et un designer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui conçoit un produit qui est pensé pour un utilisateur final. Si ton utilisateur ne peut pas jouer à ton produit, ne peut pas jouer à ton jeu, bah, t'as mal fait ton boulot de game designer, en fait. Alors, il y a évidemment des limites. Hein. Comme je le disais pour Blind Legend, tu ne peux pas le rendre accessible à une personne aveugle. Pour les jeux de From Software... Sourde. Quoi? Tu peux pas le rendre accessible pour une personne sourde. Merci. et pour les jeux de From Software, oui, je pense qu'à un moment donné, tu ne peux pas rendre ces jeux tellement faciles que, parce que ça ne serait plus les jeux que ça serait, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. mais il y a quand même des efforts à faire, je pense. Voilà, le mode invincible dans Fury, c'est en un très bon exemple. En fait, le mec, il a rien gâché de son expérience de base, c'est juste qu'il a fait en sorte que tu ne peux pas mourir. Donc forcément, au bout d'un moment, tu finis par venir à bout du boss. Et bah, du coup, tu peux profiter en fait du jeu comme ça. Et de toute façon, les développeurs de jeux, la plupart, hein, ce qu'ils vous diront, c'est pas qu'ils font des jeux vidéo pour s'enrichir, pour devenir riche, etc. Bon, c'est un bonus qui est plutôt appréciable. En vérité, les développeurs de jeux, ils font des jeux pour que les gens ils y jouent, quoi. Et si tu peux pas jouer à leur jeu, et bah, ils sont quand même assez embêtés généralement. Donc, il y a la difficulté, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dans un jeu vidéo. Il ne faut pas la travestir, il ne faut pas créer des modes qui du coup dénaturent complètement ton expérience, mais il faut trouver un moyen de contourner ce problème de façon intelligente et de proposer des modes d'accessibilité qui en fait peuvent rendre service à tout le monde, comme ça a été le cas dans Céleste par exemple, où vraiment c'est intéressant de pouvoir modifier les variables de difficulté qui peuvent du coup permettre aussi également de se créer une expérience plus ardue que celle que le jeu propose initialement. Mais parce qu'il n'était pas prévu initialement, est-ce qu'il y a un intéressant... Là, tout à l'heure, tu as parlé des différents groupes, en gros, qui disent faut faire le jeu en mode difficile pour être accepté, ou je ne sais pas exactement. Enfin, moi, ça fait écho, donc du coup, j'ai transformé ce que tu viens de dire. Mais, enfin, tu vois... Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Vas-y, ma conclusion. Redis-le. du fait, il faut faire le jeu à tel niveau de difficulté, oui, pour que tu sois légitime. Légitime, ouais. Voilà. Ça, c'est plutôt un problème, je pense, de, on va dire, là, on va laisser, de sociologie, c'est-à-dire que chaque groupe a ses rites de passage, a ses rites pour créer à son identité, et que pour accéder à l'identité du groupe, tu dois avoir des rites de passage. Et le jeu vidéo constitue aujourd'hui l'un de ces rites pour des groupes, pour des identités de groupes au sens large. Donc je pense que là, cette problématique-là vient plutôt de ça. On ne peut rien y faire, hein, l'être humain constitue des groupes. On ne peut pas empêcher l'être humain de constituer un groupe, sinon c'est problématique quand même au niveau de la société. Et ensuite, c'était que d'un côté, les modes de difficulté infirment et confirment la nécessité de la difficulté. Le mode facile, c'est... On a peut-être créé une expérience trop difficile, mais on va laisser aux joueurs, comme tu as dit, le plaisir de découvrir les rebondissements, etc. Mais de l'autre côté, le mode difficile, c'est un échec de pouvoir proposer une expérience satisfaisante pour une partie des joueurs. On transforme son jeu pour pouvoir être le plus accessible possible à soit un hardcore gamer, soit à casual si on schématise. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a à partir du moment où le jeu est sorti, il appartient aux joueurs. Et c'est les joueurs, du coup, on le sait, qui vont dire oui, ce jeu-là doit être fait de cette façon-là, etc. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment un biais qui est créé à partir ne serait-ce que des noms qu'on donne au niveau de difficulté. Si on les présentait de façon neutre, si on disait voilà, il y a difficulté. Difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3, difficulté 4, ça serait déjà, il y aurait moins ce délire en fait de se dire bah ouais non mais si tu fais un jeu en mode facile qui correspondrait du coup au niveau difficulté 1, bah ça poserait moins de problèmes en fait, je pense, hein. Et dans Céleste, il n'y a personne qui va te dire ah ouais non mais si tu utilises le mode endurance illimitée, t'as pas joué à Céleste, hein, parce que c'est intégré vraiment de façon intelligente à l'expérience de jeu. Il n'y a pas une façon de jouer à Céleste pure et dure, il y en a une multitude en fait. Et je pense vraiment que c'est aujourd'hui on a ce gatekeeping autour de la difficulté dans les jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à communiquer et à intégrer de façon neutre, de façon intelligente à l'expérience de jeu. On a tendance à dire que c'est pour justement combler un manque de compétences plutôt que pour avoir une expérience adaptée à son niveau de joueur en fait. Ouais. Mais surtout qu'en plus je suis assez d'accord avec toi dans l'idée qu'on peut rendre les jeux plus accessible, mais sans supprimer la notion de difficulté. Par exemple, quelqu'un peut jouer un jeu en mode normal et facile et avoir vécu des moments difficiles dans le jeu. Parce que voilà, sa limite, ça va être le mode normal ou le mode facile. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que si le jeu avait été pensé pour qu'il y ait des moments qui mettent un petit peu plus en difficulté le joueur que d'autres moments, mais s'il le vit en mode difficile ou s'il le vit en mode normal, on s'en fout. Tu vois, le plus important, c'est d'avoir vécu ces moments-là. Alors, j'aimerais peut-être recentrer le débat en tournant la question autrement. C'est, est-ce qu'un jeu vidéo doit au moins renouveler les obstacles qu'il met en jeu pour se renouveler dans son ensemble. Par exemple, avec des missions secondaires, va négocier avec machin, va tuer machin, mais avant de tuer machin, fais etc., etc., quelque chose qui sort du jeu. D'où la question initiale. On en a déjà parlé, ça dépend de ton intention. Tu prends un Mario, comme il y a cette notion de plateforme et de bas des ennemis, si tu veux apporter la nouveauté, tu es obligé de varier les dangers, de varier la configuration des niveaux. Sinon, si jamais un Mario, tu fais éternellement le premier niveau, au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer. Tu vois. Par contre, si tu veux faire une expérience un petit peu plus esthétique, comme l'a été de journée, tu n'as pas besoin de varier les dangers ou les obstacles. Tu vois. C'est, ça dépend de ton intention. Mais, parce qu'en fait, souvent, les différents modes de difficulté, c'est le jeu qui te punit moins vite ou moins brutalement, et ça veut pas dire qu'en mode facile, là où il va te laisser plus de maladresse, il n'y ait pas une once de difficulté. Mais à nouveau, ça vient questionner ta propre limite, jusqu'où tu peux jouer, et tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au mode difficile pour apprécier un jeu et sa difficulté. Par rapport à ça, il y a un truc marrant, c'est que pour désigner le mode de difficulté intermédiaire, la plupart du temps, on utilise le mot normal, alors que justement, en sociologie, ben, la norme, c'est le groupe, c'est le fait d'être ben, la normalité, quoi. Et donc, ça polarise beaucoup la vision qu'on va avoir du côté difficile et facile, parce que si la norme, c'est ce que tout le monde fait, ça veut dire que... Enfin, si normal, c'est la norme, et donc c'est ce que tout le monde fait, ça veut dire que la difficulté, c'est donc les choses que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire. Et pareil, pour la facilité, ça va être la chose que tout le monde arrive à faire, donc du coup, il va y avoir cette image dégradée. Mmh. Donc, je trouvais ça assez marrant, et c'est vrai que dans certains jeux, je pensais à un jeu de stratégie qui s'appelle Alcyon, je crois, ou Alisson, enfin, un truc du genre Alcyon, je crois. C'est Alcyon, il me semble. C'est un jeu de stratégie spatiale où le mode de difficulté, il reprenait un peu les grades de l'armée. Donc, je sais plus trop, quoi, mais bon, t'as le soldat de base, puis t'as le commandant, puis t'as le super commandant, le commandant en chef, tout ce que tu veux. Donc, pareil, cette idée de gradation, de statut social, tu vois, qui servirait pour nommer les modes de difficulté et qui leur donne plus de valeur au fur et à mesure que t'arrives à être trop fort. Alors ça, c'est des modes de difficulté intégrés à l'univers du jeu, mais pour le coup, ça donne toujours une certaine importance au fait d'être plus gradé, donc c'est toujours un peu biais, c'est pas neutre, quoi. Ouais. Après, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a un débat sur le langage, j'ai l'impression que ça tourne autour du « ah oui, mais là, on hiérarchise les gens ». Le langage, c'est hiérarchisé, c'est ordonné. Si on ne veut pas hiérarchiser ni ordonner, on n'utilise pas le langage, qu'il soit corporel ou qu'il soit verbal ou avec tout ce qu'on veut. Donc je pense que, je sais pas, cette espèce de peur de dire ça hiérarchise les individus. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, on hiérarchisera de toute façon. Donc. Oui, mais tu vois, comme on le disait, hein, la difficulté, c'est quelque chose de très relatif en fait à chaque joueur. Tu peux, par exemple, moi j'ai fait Kingdom Hearts 3 en mode expert, je l'ai pas trouvé difficile, ça portait pourtant le nom de mode expert. Donc parfois, en fait, les noms que tu donnes aux modes, ils sont juste, ils n'ont pas de sens en réalité. C'est mieux d'avoir des. Experts par rapport à des gens qui ne sont pas habitués à Kingdom Hearts. Oui, non, mais. Il est... Du coup, j'ai fait comme toi. On m'avait conseillé de faire ça parce que, à ce qui paraît, le mode de base est très, très, très, très, très facile. Voilà. Par contre, ça aurait été plus juste de dire. Ce qui est vrai, c'est que le mode expert, il est plus difficile que le mode difficile ou normal. Je ne sais plus s'il y avait un intermédiaire. Bon, bref. Mais toujours est-il que la façon dont c'était présenté, ça ne t'informait pas correctement de ce qu'était ce niveau de difficulté. Voilà, en fait, je ne sais pas. quoi dire d'autre là-dessus, mais... Par contre, le mode critical, le nouveau mode... Ouais, critical, art, ouais. Lui, lui bah, on se fait, à ce qui paraît, voilà, quasiment one shot. Ouais. Et là, pour le coup, c'est très difficile. Donc, au final, est-ce qu'on peut dire que ce mode de difficulté-là, qui met des obstacles plus importants que ce qui est beaucoup plus facile, vous a fait finalement tenir sur Kingdom Hearts sur la longueur, a fait tenir votre intérêt par rapport à un mode normal ou facile, ou sur la longueur, peut-être que vous seriez dit « Ouais, bah, le scénario est peut-être sympa, mais je m'ennuie. » Alors, certes, non, mais c'est vrai, le fait d'y jouer en mode de difficulté expert, qui était déjà facile, je pense que j'ai plus apprécié l'expérience que si j'y avais joué en mode normal, qui aurait été encore plus facile. Ça, c'est certain. D'ailleurs, quand ils ont sorti le DLC Remind, qui du coup te propose un chapitre qui se déroule une fois que tu as terminé le jeu, tu as des phases, des affrontements dans ce DLC-là où tu peux choisir de jouer soit Sora, donc le protagoniste principal, avec les statistiques que tu as de ta sauvegarde. Donc le DLC étant sorti un an après le jeu de base, moi j'ai un Sora qui est niveau 100, qui a toutes les compétences au max. Soit tu peux jouer du coup Sora dans ces affrontements-là, soit tu peux jouer un autre personnage, un personnage qui a des statistiques configurées pour être cohérente avec la difficulté du combat sur lequel on te propose de jouer ce personnage-là. Et donc, non seulement j'ai joué ce personnage-là parce que ça me faisait plaisir de jouer à un personnage qui n'était pas celui que j'avais, avec lequel j'avais joué tout au long de l'aventure, mais en plus, si j'avais joué avec Sora à ce moment-là, le boss, je l'aurais déglingué en 2-2, quoi. Donc, ça aurait été... Là effectivement, il y avait ce besoin, quelque part, de proposer une difficulté d'une manière ou d'une autre aux joueurs. Autrement, ça aurait été très dommage. Mais la difficulté, certes, c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Si tu prends Beyond Two Souls, par exemple, qui est un jeu narratif de Quantic Dream, en termes de challenge, on est radé pas crête. Tu ne peux même pas échouer dans ce jeu-là. Dans Heavy Rain, tu pouvais mourir, tu pouvais faire mourir un ou plusieurs des quatre protagonistes que tu incarnais. Dans Beyond Two Souls, même quand tu échoues, en fait, tu continues d'avancer dans l'histoire malgré tout. Est-ce que c'est dérangeant? Bah, en fait, non. Pas tant que ça. Alors peut-être si tu fais... non, vraiment, c'est pas dérangeant, en fait, je trouve. Et ça m'a fait penser à un autre jeu aussi où c'était pas plus dérangeant que ça, mais peut-être je vais te laisser y aller, Florian, si t'as quelque chose à rajouter pendant que les gens en viennent. Juste pour dire, c'est intéressant de dire que c'était pas dérangeant parce que quelques années avant était sorti un Prince of Persia qui rendait relative la mort. Enfin, dès qu'on tombait dans les précipices, il y avait notre acolyte qui nous rattrapait et... À l'époque, tous les joueurs avaient gueulé en disant « Mais c'est un scandale, en fait. On peut même pas mourir quand on saute dans le vide. » Et donc, à ce moment-là, ça posait problème. Et quelques années après, avec Beyond Two Souls, ça posait pas de problème de ne plus pouvoir échouer. Alors aussi, parce que c'est pas tout à fait le même genre de jeu, ça ne vise pas le même public non plus. Bien sûr. Aussi agencé différemment, non ? Parce que Beyond Two Souls, alors ça fait super longtemps que je l'ai fait, mais même si on échoue, il y a au moins une petite conséquence dans le scénario. Alors, en tandis effet... que Prince of Persia... Il n'y avait aucune conséquence, on tombait, on nous rattrapait. En effet, comme c'est un jeu narratif, il y a différents embranchements. Si tu échoues, tu auras une conséquence narrative différente. Mais en quelque part, ça gâche aussi un petit peu ton expérience de jeu. Parce que quand tu vois que le fait d'échouer, théoriquement, ça devrait t'amener à mourir et qu'en fait, tu ne meurs pas parce qu'il y a une pirouette narrative. Bon, quelque part, ça serait, en théorie, supposé gâcher un peu l'expérience de jeu. Or, finalement... est-ce que ça la gâche? Bon, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Dans Prince of Persia de 2008, du coup, effectivement, c'était pas possible de mourir parce que ton personnage te sauvait tout le temps, que ce soit en combat, si tes PV atteignaient zéro, elle te ramenait à la vie, ou bien si tu tombais si tu faisais une chute qui était en principe mortelle, elle te rattrapait, elle te renvoyait sur une plateforme. Là encore, moi j'ai pas eu de soucis du tout parce que de toute façon, pour réussir ces phases de plateforme là ou ces combats là, à un moment donné il fallait faire preuve de compétence. C'est juste qu'au lieu de passer par ok, t'es mort, on va passer par un menu qui va te proposer soit de charger la sauvegarde qui va t'amener en arrière ou bien de quitter le jeu, et bah là il skippait ce passage là et il te ramenait directement au moment où t'étais en vie. Voilà. Donc en fait, je trouve que c'était même un moyen d'empêcher une certaine frustration. C'était un petit peu comme dans Super Meat Boy où la mort n'est pas un problème parce que tu réapparais instantanément après être mort. Et en plus de ça, ils ont cette intelligence dans Prince of Persia de, à un moment donné, vers la fin du jeu, d'intégrer pleinement cette mécanique de retour à une sorte d'énigme à l'intérieur du jeu pendant un combat de boss. Je ne vais pas dire ce que c'est, ça serait dommage, mais en fait, ouais, le fait que le personnage te rattrape tout le temps avait clairement une... C'était un moyen de résoudre un combat de boss. Bref, c'était très malin en tout cas. L'autre jeu dont je voulais parler, c'était Mass Effect, le premier, qui avait un système de combat, un système de gunfight qui était vraiment tout pourri. Ils se sont bien améliorés par la suite, mais le premier, c'était vraiment pas du tout ça. Et en fait, Mass Effect, il dure, si on fait globalement, la partie dure 45 heures, quoi. Est-ce qu'on s'ennuie en dépit du fait que le gameplay soit pourri? Non. Et en fait, du coup, hein, le gameplay est pourri. Moi, je l'ai fait en mode normal. Le premier, on ressent aucune difficulté, hein, grosso modo. Mais on ressent aucune difficulté. Pour autant, le jeu est passionnant de bout en bout parce qu'il y a cette narration qui fascine le joueur, parce qu'il y a cet univers. Le joueur a d'autres points sur lesquels porter de l'intérêt, en fait. Donc la difficulté dans un jeu vidéo, c'est certes important, mais c'est pas une fin en soi, parce qu'il y a toujours moyen de compenser une difficulté qui est bâtarde par d'autres points. Mais je trouve que c'est important de dire ça, que la difficulté n'est pas une fin en soi, mais là on voit l'héritage d'où vient le jeu vidéo, c'est-à-dire que en reprenant Prince of Persia, c'est un jeu d'action-aventure, et par défaut, enfin la représentation collectif du jeu d'action-aventure, c'est un jeu où il y a des difficultés à résoudre, à sauter au bon moment, à battre des ennemis, il faut échouer, il faut que le jeu soit un défi, alors que là, pour le coup, il prend complètement à contre-pied ça, ce jeu-là, et il y a ce côté hérésie, c'est pas normal que ce jeu existe, alors que Beyond Two Souls est un jeu qui est très narratif et cinématographique, la frontière avec le film interactif, elle est de ces mecs. D'ailleurs, il y a eu des expériences au cinéma d'interaction, il y a très longtemps, avec des télécommandes où les spectateurs... Télécommandes, et il y en avait une, je crois que c'était un cinéma en Allemagne. C'était une publicité, et c'était une nana qui était séquestrée par un psychopathe, et a cherché à s'enfuir, et à chaque fois qu'elle devait faire un choix, un téléphone sonnait dans la salle, et donc on voyait le personnage appeler au téléphone « Allô ?» et la personne devait répondre « Prends la porte de gauche » et tac, le personnage prenait la porte de gauche. Et en fait, t'avais un petit chemin comme ça et toute la salle devait s'unir. En tout cas, on voit que la difficulté appelle cette histoire-là du jeu vidéo et que maintenant, le jeu vidéo s'autorise à dire il y a peut-être aussi autre chose qu'on peut faire avec le jeu vidéo. On peut proposer d'autres expériences sans qu'elles soient là ou primordiales. Mmh. Comme tu disais, Fury, il a décidé de l'enlever. Ouais. Et juste pour revenir sur Prince of Persia, j'ai fait celui de 2008 dont on parle là et j'avais aussi fait avant ça Les Sables du Temps. Et en fait, Les Sables du Temps, je le masterisais, je terminais en 4 heures quand j'étais petit. J'ai essayé de le refaire cet été et en fait, je me suis arrêté vers la fin du jeu. Je me suis arrêté vers la fin du jeu quand on est dans, vous savez, ce grand cliché des jeux vidéo, on est sur une plateforme en ascension et on arrive au sommet qu'une fois qu'on a battu tous les ennemis, quoi. Et en fait, les Prince of Persia, ce sont des jeux type action-plateforme, mais c'est plus à la base, en principe, des jeux de plateforme que des jeux d'action. On est plus là pour ce côté-là du jeu que pour l'autre. Dans Prince of Persia, le Sable du Temps, c'était extrêmement mal géré parce que les phases de combat étaient interminables comparées aux phases de plateforme. Il n'y avait pas un truc, je crois, qu'il fallait impérativement achever l'ennemi avec la dague. Oui, c'est ça, c'est ça. Sol, ouais. Et c'était horrible. Les phases de combat étaient vraiment interminables. Et je me suis arrêté après plusieurs tentatives, quand j'ai refait ma partie des Sables du Temps, à cet ascenseur-là où il y avait vraiment trop de combats. Dans celui de 2008, avec cette fonction qui te permet de revenir à la vie, que la mort est impossible pour le joueur dans celui de 2008, ça fait que les phases de combat, elles ne posent plus aucun problème, et tant mieux, parce que c'est pas pour ça qu'on est là à la base. C'est, encore une fois, c'est comme je le disais pour Spider-Man, les phases de combat dans Prince of Persia sont là pour créer de la diversité à l'expérience, pour que le joueur il n'ait pas simplement que de la plateforme, mais c'est quand même pour la plateforme que le joueur prend un Prince of Persia à la base. Donc... la difficulté est-elle nécessaire un jeu vidéo sur le long terme? On a peut-être pu voir que la difficulté, c'était une valeur très diffuse, finalement. Ça elle dépend. Était très, très relative, et comme vous venez de le dire, c'est peut-être pas une fin en soi. Donc est-elle nécessaire? Eh bien, pas forcément selon le jeu. Ah, Victor a envie J'ai une dernière idée qui est celle que des fois la difficulté sert aussi dans le design du jeu pour orienter le joueur, et donc des fois la difficulté est de manière consciente, de manière clairement réfléchie, impossible à impossible à surmonter parce que justement le développeur veut encourager le joueur à aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Et donc voilà, c'était juste une idée par rapport à la difficulté sur le fait que... Witcher 3 fait ça, il me semble, beaucoup. Oui, c'est où ça. Où il met des ennemis très durs dans certaines zones, il te fait comprendre que faut d'abord que tu passes par là. Il me semble que c'est affiché directement, attention, si vous allez dans telle zone, c'est une zone niveau 40 ou 50, vous êtes au niveau 20. Qui est très MMO dans l'esprit. Hein, Bloodborne le fait aussi, sauf que lui, il ne te le dit pas, il te le fait ressentir avec tes vous êtes mort. Parce que je me rappelle, il y avait une zone... Te casse la gueule, ce jeu. je sais pas, c'est pour ceux qui ont fait Bloodborne, il y a une zone où il y a un mec qui vous mitraille en haut d'une tour si vous tuez des monstres. Et en fait, avant de faire cette zone-là, tu devais passer par la zone de la sorcière de Emwick, il me semble, qui est en fait une zone qui est très simple. Et ensuite, tu gagnais du niveau, et ensuite, tu pouvais faire cette zone-là. Sauf que moi, comme un idiot, j'ai rien compris. Et j'ai galéré comme pas possible sur cette zone-là. J'en ai chié. Oula. Ah, j'en pouvais plus. Et c'est après que c'est Maiglin, justement. C'est un pote. Coucou Maiglin, qui m'avait fait mes... Mais pourquoi t'as fait cette zone-là ? Fallait d'abord aller là-bas. Et j'ai fait ah. Ou l'autre perfidie, si jamais à un moment donné du jeu, un ennemi te tue, il te téléporte dans une zone qui est vachement avancée. Oui. Qui est l'enfer sur Terre, parce qu'en plus t'apparais vraiment, c'est pas très confortable l'endroit où t'apparais et tu te fais dérouiller. Et ensuite, quand t'arrives par le chemin qui est censé être prévu, c'est un petit peu plus facile à négocier. Ouais, donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, ça permet cette manière de diriger la difficulté pour ensuite diriger le joueur. Ça permet de rallonger un peu l'expérience de jeu ou de l'aider sur le long terme, parce que justement, ça permet de... Ça encourage le joueur à prendre plus de temps, du coup, à dire « Attention, t'es en train de faire telle zone, mais peut-être tu devrais... » bien consommer le jeu, bien utiliser le jeu au maximum, avoir la meilleure expérience possible avant d'aller sur telle ou telle zone, tel ou tel monstre. Et puis, là où beaucoup de jeux sont joués pour se vider la tête, souvent, c'est ce qui peut être compliqué, notamment avec Sekiro, le rejet que les Souls font, c'est que c'est des jeux qui se font miroir, en fait, par rapport à toi, qui te renvoient à tes propres failles. Narcissique, si jamais tu supportes pas l'échec, tes faiblesses, enfin voilà, de pas arriver à gérer le stress et autres. Et du coup, c'est un jeu qui te dit bon, avant que tu puisses prendre plaisir et te détendre dans ce jeu, il faut que tu te combats toi-même. Alors, c'est vrai que quand tu veux juste traverser un jeu et que le jeu te dit non, d'abord combat-toi toi-même, là tout à coup c'est compliqué. C'est Game Next Door qui a fait justement une vidéo sur Sekiro où il parlait de ça, que le joueur devait se combattre lui-même et suivre la voie, enfin combattre l'ignorance, l'avidité et la colère. Et c'est là où il est radical, Dark Souls, c'est qu'il te laisse pas le choix en fait de ce combat-là. Et c'est là justement où c'est assez intéressant du coup, et on n'a pas forcément besoin de cette difficulté, parce qu'il y a toute une partie des jeux vidéo qui se consomment sous le format télé-réalité au final. C'est, tu poses ton cerveau, tu te laisses guider par l'expérience tu fais ça tranquillement, comme ça peut l'être par exemple sur les hack and slash, souvent sur les jeux à gros farm comme Diablo 3 ou Path of Exile, où t'as toute une partie où c'est du farm à la chaîne, où t'es là, tu tues des monstres et tu réfléchis plus, c'est juste cette expérience. Donc on va peut-être apporter la petite conclusion quand même, ça doit faire un petit moment qu'on parle. Donc est-ce qu'elle est nécessaire ? Eh bien peut-être on peut dire que ça dépend de l'intention, pour essayer d'apporter une réponse à la question quand même, on va répondre à notre sujet, ça dépend de l'intention, surtout en sachant que la difficulté est une valeur relative, dépend, joue sur l'insatisfaction, le désir, la volonté des joueurs et tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans... Accepter ses limites aussi. Oui, accepter ses limites. Et pas avoir honte de dire, bon, voilà. Moi, me concernant, je fais les jeux en mode normal. Je pense que je pourrais faire les jeux en mode moyen, mais faire les jeux en mode difficile, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, et en plus, la difficulté n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on va pouvoir... désormais conclure cette émission. Merci à vous messieurs d'avoir débattu. Merci Vincent d'être venu. Merci pour l'invitation encore une fois. Vous pouvez retrouver l'émission sur PodCloud aussi, c'est un truc que je devrais vraiment dire au début d'émission. Sur PodCloud, YouTube et voilà. Et sur évidemment le site Causons Pixel. Sur ce, merci à vous, à bientôt, prenez soin de vous. Et surtout, restez critiques envers le pixel. Ciao. Ciao.